الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، La louange est à Dieu, Seigneur des univers. والصلاة والسلام على أمير الأنبياء وإمام المرسلين. Et que les prières et les salutations soient sur l'émir des prophètes et l'imam des envoyés. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. أيها الإخوة والأخوات في الدين. Mes frères, mes sœurs, dans la religion, نتابع دروسنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nous allons poursuivre nos cours de biographie du prophète, prière et salut sur lui. مع الدرس الثلاثين. Avec le cours numéro 30. وصلنا الآن إلى السنة العاشرة منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. On a atteint maintenant l'année 10 depuis, ou bien la dixième année depuis l'envoi du prophète, prière et salut sur lui. نعم. مرت عشر سنوات على ولادة الإسلام. Oui, il est passé maintenant 10 ans depuis la naissance de l'islam. ثلاث سنوات بالدعوة السرية. 3 ans ou 3 ans d'appel en privé ou bien discret et secret. وأربع سنوات من الدعوة الجهرية. Et 4 ans d'appel public à haute voix. كلها عذاب وصبر. 4 ans pleins de châtiments, de persécution et de patience. ثم ثلاث سنوات كلها سجن في شعب أبي طالب. Et par la suite, il y avait 3 ans entièrement dans une prison de la vallée d'Abu Talib. كلها جوع كلها صبر. Pleine 3 ans de famine et de patience. نعم. عشر سنوات مرت. Oui, mes frères et mes sœurs, maintenant il y a eu le passage de 10 ans. ومشركو مكة يحارب الإسلام بكل شراسة. 10 ans pendant lesquels les associateurs de la Mecque combattaient l'islam avec une grande brutalité. يحاربون أناسا قلائل مسلمين ومسالمين. Ils combattaient des gens peu nombreux qui étaient des musulmans et surtout des pacifiques. نعم. عشر سنوات مرت وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 50 سنة. Oui, mes frères et mes sœurs, il y a 10 ans passés et le prophète, prière et salut sur lui, a atteint l'âge de 50 ans. وبلغت خديجة رضي الله عنها 65 سنة. Et notre mère Khadija, que Dieu soit satisfait d'elle, a atteint l'âge de 65 ans. وصار أبو طالب شيخا كبيرا جاوز الثمانين من عمره. Et Abu Talib est devenu pendant ces 10 ans un vieillard qui a dépassé les 80 ans de sa vie. وأثرت فيه سنوات الحصار. Et il a été beaucoup affaibli par les années du blocus ou du siège économique. وسقط مريضا بعد نهاية الحصار. Il est tombé malade, c'est-à-dire Abu Talib, après le lever du siège ou après la fin du blocus. فقالت قريش. قريش dit: إن حمزة وعمر قد أسلما. حمزة et عمر sont devenus musulmans. وقد فشى أمر محمد صلى الله عليه وسلم في قبائل مكة كلها. Et cette religion ou cette information de Mohammed, prière et salut sur lui, est répandue dans toutes les tribus de la Mecque. فانطلقوا بنا إلى أبي طالب. Allons-y voir Abu Talib. فليأخذ على ابن أخيه. Et qu'il demanda à son neveu de présenter quelques concessions, de faire quelques concessions, et qu'il nous demande à nous aussi de faire quelques concessions pour son neveu. Wallahi ma na'man an yabtazuna an yaslibuna amrana haqqana. Par Dieu, on n'est pas en sécurité qu'il nous enlève quelque chose ou quelque partie de notre droit. Wa fi riwaya, et dans une version, inna nakhaf an yamuta hadha ash-shaykh. On a peur que ce vieillard, c'est-à-dire Abu Talib, décède, fayakuna ilayhi shay'un, yani yahsul li Muhammad shay' ba'da mawtihi, et qu'un mal de notre part touche Muhammad, c'est-à-dire après le décès d'Abu Talib, fatu'ayyiruna bihi al-arab, et les arabes vont nous insulter. Yaqulun taraku bima'na Muhammad hatta idha mata 'ammuhu tanawalu, ça veut dire ils vont dire dans leurs insultes, ils l'ont laissé, ça veut dire saint et sauf Mohammed, et lorsqu'il est, et lorsque son oncle est décédé, ils l'ont frappé. فأرسلت قريش وفدا فيه أشرافها. Quraysh a envoyé une délégation contenant ses dignitaires, Utba ibn Rabi'a, Utba fils de Rabi'a, wa Shayb ibn Rabi'a, Shayb fils de Rabi'a, wa Abu Jahl ibn Hisham, et leur plus grand pharaon Abu Jahl, fils de Hisham, wa Umayyah ibn Khalaf, Umayyah fils de Khalaf, wa Abu Sufyan ibn Harb, Abu Sufyan fils de Harb, wa adad al-wafd 25 rajula, 25 rajula, et le nombre des hommes composant cette délégation était égal à 25 hommes, ça veut dire une vraie délégation. Turid an tufawid, qui voulait négocier. فقالوا يا أبو طالب, ils disent, ô Abu Talib, إنك من حيث قد علمت, tu connais ta place chez nous, وقد حضرك ما ترى, tu as vu ta situation actuelle, ça veut dire tu es en train d'agoniser, وتخوفنا عليك, et tu as vu notre crainte pour ta mort, وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك, et tu as connu le différent qui existe entre nous et ton neveu. فادعوه فخذ له منا وخذ لنا منه. Appelle-le et demande-lui de faire des concessions en notre faveur, et demande-nous de faire pour lui des concessions en sa faveur. ليكف عنا ونكف عنه. Qu'il nous épargne et qu'on l'épargne à notre tour. وليدعنا وديننا ونداه ودينه, et qu'il nous laisse tranquille avec notre religion, et on va le laisser tranquille avec sa religion. فأرسل إليه أبو طالب, Abu Talib lui a envoyé un messager. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم, lorsque le prophète, prière et salut sur lui, est arrivé, قال له عمه, son oncle lui dit, يا ابن أخي, ô mon neveu, هؤلاء أشراف قومي, voici les dignitaires de ton peuple. وحكى له طلبهم, et lui a raconté leur demande. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le messager de Dieu, prière et salut sur lui, a répondu, نعم, il leur a dit à ces 25, نعم, كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها العرب, vous allez m'accorder un seul mot avec lequel ou grâce auquel vous allez régner sur les Arabes. وَتَدِينُ لَكُمْ بِهَا الْعَجَمُ, et il y aura pour vous la soumission des non-Arabes. فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ, Abu Jahl lui dit, نَعَمْ وَأَبِيكُ, oui, par ton père, وَعَشَوْ كَلِمَاتِ, et 10 mots encore on te donne. قال صلى الله عليه وسلم, parce que Abu Jahl n'a pas compris le sens de la phrase du prophète صلى الله عليه وسلم, il n'a pas compris le sens de la phrase du prophète صلى الله عليه وسلم, قال صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et salut sur lui dit, تقولون لا إله إلا الله, هذه الكلمة, تقولون لا إله إلا الله, vous devez dire il n'y a aucune divinité à part Dieu, وتخلعون ما تعبدون من دونه, et vous allez vous éloigner de ce que vous adorez en dehors de lui. Imaginez avec moi. Un seul homme, Muhammad, صلى الله عليه وسلم محمد قياغي صيصوري واقف أمام 25 رجلا من قادة قريش فيهم أبو جهل. Imaginez avec moi un seul homme, Mohammed Priyari Saïsouri, qui fait face à 25 hommes parmi les dirigeants de son peuple. Parmi eux se trouvait Abu Jahl. يقول لهم هذا الكلام من غير خوف وبكل شجاعة صلى الله عليه وسلم. Il leur a dit ces paroles sans aucune crainte et avec un grand courage. Priyari Saïsouri. فصفقوا بأيديهم. Ils l'ont applaudi avec leurs mains. ثم قالوا يا بخير ليوندي أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحدا. Veux-tu ô Mohammed réduire les divinités en un seul dieu. إن أمرك لعجب. Tu proposes des choses étonnantes. ثم قال بعضهم لبعض. Et par la suite les uns dirent aux autres إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون. Par Dieu, cet homme ne va pas vous offrir ou ne va pas vous accorder une chose de ce que vous désirez. فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم. Allez-vous-en donc et suivez bien la religion de vos ancêtres. حتى يحكم الله بينكم وبينه. Jusqu'à ce que Dieu apportera sa décision ou son ordre entre vous et lui. فأنزل الله تعالى سورة صاد. Et Dieu a révélé à son prophète le chapitre صاد. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux. والقرآن للذكر. أقسم الله بالقرآن. والقرآن للذكر. Par le Coran, au renom prestigieux. Dieu a juré par le Coran dans ce verset. Par le Coran, au renom prestigieux. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. Ceux qui ont mécru sont plutôt dans une fierté de leur puissance et dans une dissidence. Ils s'étonnèrent de voir venir à eux un avertisseur de leur propre race et les mécréants dirent « Celui-là est un magicien grand et un grand menteur. » Il a قوله تعالى « وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. A-t-il donc fait des dieux un dieu unique? C'est là une chose très étonnante. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا. واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. الملة الآخرة ملة النصارى الذين قالوا بالتثليث بأن الله ثلاثة يعني ثلاث آلهة. كيف هو يقول الله واحد والنصارى تقول الله ثلاثة. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. إلا كذب اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم. Leurs grands s'en allèrent en disant « Allez-vous-en et gardez patiemment votre foi en vos divinités, c'est là vraiment une chose souhaitable. Nous n'en avons pas entendu parler dans la dernière communauté religieuse, ça veut dire chez les chrétiens qui parlent de la Trinité, ça veut dire il y a trois divinités et non pas un comme dit Mohammed, et ce n'est en vérité que pure invention, ça veut dire un mensonge. » formé par Mohammed Priyar et Sajjouli. فلما ذهب المشركون après le départ des associateurs, قال Abu Talib لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Abu Talib dit au messager de Dieu Priyar et Sajjouli, Wallahi, ibn akhi, par Dieu, ô mon neveu, ma ra'aytuka sa'altahum shatata. Je n'ai pas vu que tu leur as demandé une chose excessive. Ma talabta minhum shay'an kathira. Talabta minhum an yaqulu la ilaha illallah. فلما سمع صلى الله عليه وسلم كلام عمه طمع في إسلامه قبل موته. Lorsque le prophète prière Isaïe a entendu la parole de son oncle, il a souhaité son islam, de le voir devenir musulman avant sa mort. فجعل يقول له, il a commencé à lui dire, أي عم, ô mon oncle, s'il te plaît, فأنت فقلها, أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة. C'est toi qui dois la dire, ça veut dire cette phrase, il n'y a aucune divinité à part Dieu, comme ça, je demanderai grâce à cette phrase l'intercession en ta faveur le jour de la résurrection. فلما رأى أبو طالب حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم, lorsque Abu Talib a vu la grande volonté du prophète prière et sage sur lui, قال له, il lui dit, يبن أخي, ô mon neveu, والله, par Dieu, لولا مخافة السبة عليك وعلى بني أبيك على بني جدك على عمومتك من بعدي أن الناس يسبوكم. Sans la crainte de voir les gens après ma mort t'insulter et insulter tes oncles, وأن تظن قريش أني إنما قلتها جزعا من الموت خوفا من الموت قلت لا إله إلا الله. قريش ستقول هذا الكلام. Et par crainte que Quraysh vont dire que je n'ai prononcé la ilaha illallah que par crainte devant la mort, la qultuha, je la dirai. La aquluha illa li asurraka biha. Je ne vais pas la dire que pour te rendre heureux. Takhayyal, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam bijanibi ammihi. Imagine avec moi le messager de Dieu, prière et sage lui, à côté de son oncle. وأبو طالب على فراش الموت, أبو طالب sur le lit de la mort, والرسول صلى الله عليه وسلم يعمل كل ما في وسعه لإنقاذه من نار جهنم. Et le messager de Dieu, prière et sage lui, à côté de lui, en train de faire tout son possible pour le sauver du feu de la GN, إنه عمه. Il s'agit de son oncle. إنه أبوه الذي رباه. Il s'agit de son père qui l'a élevé. Innahu habibu, il s'agit de son bien-aimé. Innahu min aqrabin nasi ilayhi, il est parmi les gens les plus proches à lui. Wa ja'at lahdatun nihaya, le moment de la fin arriva. Wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam da'iman bi janibi ammihi, et le messager de Dieu toujours à côté de son oncle. Ya am, ô mon oncle, قل لا إله إلا الله, dis لا إله إلا الله, كلمة أحاج لك بها عند الله, une phrase grâce à laquelle je vais te défendre devant Dieu. Ya am, ô mon oncle, قل لا إله إلا الله, dis il n'y a aucune divinité à part Dieu. فقال أبو جهل, أبو جهل a parlé et a dit, يا أبو طالب, ô أبو طالب, ترغب عن ملة عبد المطلب, tu veux t'éloigner, tu veux changer la religion de Abd al-Muttalib, ton père. فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبْ آخِرَ كَلِمَةٍ فِي حَيَاتِهِ. Et il a insisté, ça veut dire Abu Jahl, il a insisté auprès de lui, ça veut dire de Abu Talib, jusqu'au point que le dernier mot prononcé par Abu Talib dans sa vie était عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ, selon la religion de Abd al-Muttalib. وَمَاتْ, et il est décédé. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et sage lui dit, لأستغفرن لك ما لم أنه عنك, je vais certainement te demander auprès de Dieu des absolutions et du pardon tant qu'on ne me l'interdit pas. فنزلت الآية الكريمة, et il y a eu la révélation de ce verset coranique. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Il n'appartient pas aux prophètes et à ceux qui ont cru d'implorer l'absolution de Dieu pour les associateurs, même si ce sont des proches à eux, une fois qu'il leur est apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer. وينزل أمير الملائكة جبريل عليه السلام على أمير الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. Et l'émir des anges, Gabriel, prière et sage lui, est descendu pour voir l'émir des prophètes, Mohammed, prière et sage lui, بهذه الآية. Portant ce verset coranique, إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يا محمد إنك لا تهدي من أحببت، إنك تحب عمك، ولكنك لا تستطيع بقدرتك أن تهدي من تحب، ولكن الله هو يهدي من يشاء. Certes, tu ne mets pas sur la bonne voie celui que tu aimes, plutôt Dieu y met qui il veut, et il sait mieux que tous ceux qui sont sur le droit chemin. رواه البخاري أو متفق عليه. هذا الحديث متفق عليه unanimement authentique. في هذه السنة العاشرة مات أبو طالب. En cette année 10, après que le prophète prière et sage lui a reçu la révélation, l'oncle du prophète Abu Talib est décédé. مصيبة كبيرة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. C'était là un grand malheur pour le prophète prière et sage lui. وهو في مصيبته. Et lorsqu'il était dans ce grand malheur, et juste après trois jours du décès d'Abu Talib, dans une autre version, après deux mois, Khadija, Umm al-Mu'minin, Khadija al-Kubra, radiyallahu anha. Il y a eu le décès, juste après trois jours, dans une version 2, il y a eu le décès de sa femme, la mère des croyants. La grande Khadija, que Dieu soit satisfait d'elle, fit sin 65 سنة, à l'âge de 65 ans. Musiba akbar min al-oula, un malheur qui dépassait le premier. Wa baqiya an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wahda. Et le prophète prière et sage sur lui est resté seul. Fi sin al-khamsin min umri, à l'âge de 50 ans. Ya'ishu masha'ir al-huzn wal-alam. Il vivait des sentiments d'affliction et de douleur. وخرج صلى الله عليه وسلم من بيته وهو تحت وطأة المصيبة أو المصيبتين. Il a quitté sa demeure pour faire un de ses besoins et il était sous le poids des deux malheurs. فجاءه سفيه في الطريق من سفهاء قريش فرمى على رأسه التراب. يعني هو مثل عمه ومثل زوجته ويخرج باكي في الطريق يأتيه سفيه ويرمي على رأسه التراب لأن عمه مات الذي كان يحميه. Et dans le chemin, un pervers lui a barré le chemin et il a jeté sur la tête du prophète prière et sage lui une poignée de terre parce qu'il n'y avait plus son oncle qui le défendait. ورجع صلى الله عليه وسلم إلى بيته. Le prophète prière et sage lui a rebroussé chemin pour revenir chez lui. والتراب على رأسه. La terre ou la poignée de terre était toujours sur sa tête. فقامت إليه إحدى بناته. L'une de ses filles se leva vers lui. فمسحت عنه التراب وهي تبكي. Elle a essuyé elle a fait tomber, essuyé la terre de ses cheveux et de sa tête en pleurant. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le messager de Dieu prière et sage lui dit: لا تبكي يا بنية. Ô chère fille, ne pleure pas. فَإِنَّ اللَّهَ مَانِعٌ أَبَاكَ. Parce que Dieu va protéger ou protège ton père. ثقة كبيرة بالله. Une grande confiance en Dieu. وَكَانَ يَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Et il disait, prière et sage sur lui, مَا نَالَتْ مِنِّي قُرَيْشُ شَيْئًا أَكْرَهُهُ حَتَّى مَاتَ أَبُو طَالِبُ. Quraysh n'a jamais pu me faire quelque chose de mal que je déteste qu'après le décès d'Abu Talib. رواه الإمام البيهقي وابن هشام rapporté par ابن هشام et l'imam البيهقي. فلما بدأت قريش تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلى لها الجو في مكة. Lorsque Quraysh a commencé à faire du mal, à maltraiter le prophète prière et sage sur lui, et l'accès est devenu libre devant elle, ça veut dire vers le prophète prière et sage lui, il n'y a plus son oncle. جاء أبو لهب. أبو لهب est venu. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا دي او ميساجي دو ديو بريير اي ساي سور لوي يا محمد او محمد امضي لما اردت vas-y pour faire ce que tu veux وما كنت صانعا اذ كان ابو طالب حيا فاصنعه et tout ce que tu faisais pendant la vie d'Abu Talib tu vas le faire maintenant لا واللاتي لا يوصل إليك حتى أموت par Allah, par la divinité, par l'idole qui s'appelait Allah, personne ne peut te toucher par un mal que lorsque je serai mort. وبدأ عمه أبو لهب يدافع عنه et Abu Lahab, son deuxième oncle, a pris la relève, il a commencé à le défendre. وجاءت قريش إلى أبي لهب. قريش est venue vers Abu Lahab, فقال لهم, il leur dit, مَا فَارَقْتُ دِينَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ Je n'ai pas abandonné ma religion, celle de Abd al-Muttalib, وَلَكِنِّي أَمْنَعُ بْنَ أَخِي حَتَّى يَمْضِي لِمَا يُرِيدِ Mais seulement je protège mon neveu afin qu'il accomplisse ce qu'il veut. فَقَالُ لَهُ أَحْسَنْتُ Ils lui ont dit, t'as bien fait. وَبَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَيَّامًا يَأْتِي وَيَذْهَبْ لَا يَمَسُّهُ أَحَدٌ Et le prophète, prière et sagesse, a passé quelques jours et quelques nuits à aller, à partir et à revenir dans la Mecque sans qu'aucune main ne le touche. وبعد ذلك جاء أبو جهل وعقبة بن أبي معيط إلى أبي لهب. Par la suite, Abu Jahl, accompagné de Uqba, fils de Abu Mu'ayt, sont venus voir Abu Lahab. وقال له, il lui dit, أخبرك ابن أخيك أين مدخل أبيك عبد المطلب Est-ce que ton neveu t'a bien informé quel a été le sort réservé après la mort de ton père ? Le sort réservé à ton père après sa mort, c'est-à-dire Abd al-Muttalib, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faqala Abu Lahab. Abu Lahab dit, Ya Muhammad, Aïna madkhalu Abd al-Muttalib ? Oh Muhammad, quel a été le sort réservé à Abd al-Muttalib, mon père, après sa mort ? قال النبي صلى الله عليه وسلم le prophète prière et sagesse lui a dit مع قومه il est avec son peuple فلم يريد أن يقول له هو في النار il n'a pas voulu lui dire il est en enfer فخرج أبو لهب إلى أبي جهل وصاحبه أبو لهب est sorti pour revoir أبو جهل et son ami وأخبرهما أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقول عبد المطلب مع قومه pour les informer qu'en quoi Mohammed a répondu que Abd al-Muttalib est avec son peuple. فَقَالَ إِنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهُ فِي النَّارِ Ils lui ont dit, mais ceci veut dire qu'il est en enfer, dans le feu. فَرَجَعَ وَسَأَلَهُ Il est revenu pour l'interroger. يَا مُحَمَّدْ أَيَدْخُلُ عَبْدُ الْمُطَّلِبْ النَّارِ Ô Mohammed, est-ce que mon père Abd al-Muttalib peut accéder ou peut entrer dans l'enfer. فَأَجَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Le messager de Dieu, prière et sagesse, lui a répondu وَمَنْ مَاتَ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ دَخَلَ النَّارِ Quiconque qui meurt sur la même doctrine sur laquelle est mort عبد المطلب entrera en enfer. Toute personne. فَقَالَ أَبُو لَهَبُ أَبُو لَهَبُ à ce moment-là a dit والله لا برحت لك يعني غنبقى دائما لك عدوا ابدا par Dieu le très haut je resterai toujours un grand ennemi pour toi وانت تزعم ان عبد المطلب في النار tant que tu prétends que عبد المطلب mon père se trouve dans le feu واشتد عند ذلك ابو لهب وسائر قريش على النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن الجوزي يا ce moment là ابو لهب Et la totalité des Quraychites ont durci leur mauvais traitement réservé au prophète, prière et sagesse, rapporté par Ibn al-Jawzi. Devant ce cumul de malheurs, on a appelé cette dixième année l'année du deuil. أقوم ببعض الملاحظات إلى je vais formuler quelques remarques الملاحظة الأولى la première remarque هناك خلاف بين الشيعة والسنة حول إسلام أبي طالب il y a un désaccord entre les chiites et les sunnites autour de l'islam d'Abu Talib. فالشيعه يقولون بان ابا طالب مات مسلما. Les chiites, les proches de Ali, parce que Abu Talib est le père, était le père de Ali. Donc les chiites, le parti de Ali, ou bien je répète, les chiites disent que Abu Talib est mort en tant que musulman, et leur preuve se trouve dans ce hadith, wa daliluhum hada al-hadith, الذي يروي بأن العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم leur argument c'est le hadith dans lequel العباس que Dieu soit satisfait de lui l'oncle du prophète prière et sa joie رأى أبا طالب يحرك شفتيه عند الموت. Il a repéré Abu Talib faire bouger ses lèvres juste avant la mort. فأصغى إليه بأذنه. Et il a bien écouté ses paroles avec son oreille. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم il a dit par la suite au prophète prière et sa joie يا ابن اخي ô mon neveu والله لقد قال اخي الكلمه التي امرته ان يقولها par Dieu mon frère a bien dit la phrase que tu lui as demandé de dire يعني لا اله الا الله محمد رسول الله ça veut dire il n'y a aucune divinité à part Dieu Mohammed est l'envoyé de Dieu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم et le messager de Dieu prière et sa joie a répondu لم أسمع je n'ai pas entendu رواه ابن إسحاق rapporté par ابن إسحاق ولكن أهل السنة ضعفوا هذا الحديث mais les gens de la Sunna les sunnites ont affaibli ce hadith لأن سنده غير متصل لوجود رجل مبهم فيه parce que la chaîne des rapporteurs de ce hadith est discontinue parce qu'il y a la présence d'un homme inconnu dans cette chaîne واتبع أهل السنة الأحاديث الصحيحة les sunnites ont suivi les hadiths authentiques أولا premièrement مثل ما ذكرنا أن أبا طالب قال عند موته على ملة عبد المطلب متفق عليه comme ce que nous avons dit ou souligné dans ce cours comme quoi Abu Talib juste avant la mort il a dit à Abu Jahl selon la religion de Abd al-Muttalib unanimement authentique الشيء الثاني le deuxième hadith قال العباس رضي الله عنه فيه للنبي صلى الله عليه وسلم العباس a demandé une fois au prophète prière et salut sur lui ma aghnayta an ammik quelle était ton utilité pour ton oncle فانه كان يحوطك كان يحميك يدافع عنك كان يحوطك ويغضب لك parce qu'il te protégeait et il s'énervait lorsqu'on te touchait par un mal donc quelle est ton utilité pour lui قال صلى الله عليه وسلم il a répondu prière et salut sur lui هو في ضحضاح من نار il est dans un bahbah de feu bahbah مكان قريب من القعر bahbah en arabe signifie un lieu proche du fond ولولا انا لكان في الدرك الاسفل et sans moi il serait dans l'abîme le plus bas de l'enfer رواه البخاري rapporté par l'imam al-bukhari الحديث الثالث le troisième hadith قال النبي صلى الله عليه وسلم le prophète prière et saint lui dit أهون أهل النار عذابا أبو طالب la personne des gens de l'affaire qui souffre le moins en enfer est أبو طالب c'est-à-dire mon oncle منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه il porte deux chaussures faites de feu et sont ou à cause desquels son cerveau bouille, ou bien, et par la suite, son cerveau est en train de bouillir à cause de ces deux chaussures de feu. Rawahu Muslim, rapporté par l'imam Muslim. Rabi'an, quatrièmement, law sahha hadith al-shi'a, dans le cas où le hadith sur lequel se sont basés les chiites était authentique, le kana sahih, أن أبو طالب قال لا إله إلا الله قبل موته ça veut dire أبو طالب a bien prononcé il n'y a aucune divinité à part Dieu juste avant sa mort فيكون قد قالها بعدما رأى ملك الموت ça veut dire il l'aurait dit après avoir vu l'ange de la mort. Et pendant ces moments-ci, le repentir n'est pas agréé par Dieu subhanahu wa ta'ala, comme Sarah le Pharaon, exactement comme l'histoire de Pharaon qui a prononcé la phrase, mais juste avant la mort, et Dieu n'a pas accepté. Là, c'était l'avis de la majorité des sunnites. ولكن من بين أهل السنة من قال بأن أبا طالب مات مسلما. Mais même parmi les gens sunnites, mais il s'agit d'une minorité parmi eux, الشيخ محمد أبو زهرة a dit comme quoi Abu Talib était mort en tant que musulman. Wallahu ta'ala wa tabarak a'lam. Et Dieu est l'unique sachant. المُلاحظة الثانية, la deuxième remarque. وجود عاصم أو كافر في عائلة مسلمة من العائلات, la présence d'un pécheur, d'un désobéissant, d'un mécréant dans l'une des familles musulmanes, لا ينقص من قدر هذه العائلة المسلمة. Ceci, cette présence d'un pécheur ou d'un mécréant, ne dévalorise pas la famille musulmane et croyante. فأكبر العائلات في التاريخ وجد فيها العاصي أو الكافر. Les plus grandes familles dans l'histoire de l'humanité contenaient où il y avait parmi elles soit un désobéissant, soit un pécheur, ou bien même un mécréant, plusieurs mécréants. كعائلة آدم عليه السلام, comme la famille d'Adam, prière et salut sur lui. ابنه قتل أخاه. Son fils a tué son frère. عائلة يعقوب عليه السلام, la famille de Jacob, prière et salut sur lui. أولاده حاولوا قتل أخيهم يوسف عليه السلام. Ses fils ont essayé de tuer leur frère Joseph, prière et salut sur lui. عائلة محمد صلى الله عليه وسلم, وعائلة إبراهيم عليه السلام, la famille d'Abraham, prière et salut sur lui. أبوه وأمه كفر. Son père et sa mère, c'est-à-dire d'Abraham, ont choisi la mécréance. عائلة نوح عليه السلام زوجته وابنه كفر. Dans la famille de Noé, prière et salut sur lui, sa femme et son fils ont choisi la mécréance. عائلة لوط عليه السلام, la famille de Lot, prière et salut sur lui, زوجته كفرت, la femme de Lot a choisi la mécréance. عائلة محمد صلى الله عليه وسلم, et bien sûr dans la famille de Mohammed, prière et salut sur lui, أعمامه أبو لهب وأبو طالب كفر. Ses deux oncles, أبو لهب et أبو طالب, ont choisi la mécréance. فإذا رأيت أخي أختي, dans le cas où tu vois frère ou sœur, عائلة مسلمة مؤمنة فيها عاصم أو فيها كافر, dans le cas où tu vois un jour une famille musulmane croyante, mais parmi les membres de cette famille, il y a un pécheur, un désobéissant, ou bien même un mécréant ou une mécréante, فَلَا تَنْتَقِسْ هَذِهِ الْعَائِلَةِ, ne dévalorise pas cette famille. وَإِلَّا تَكُنْ كَمَنْ يَنْتَقِسْ مَثَلًا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ لِأَنَّ وَالِدَاهِ اخْتَارَ الْكُفْرِ. Tu seras identiquement comme quelqu'un qui va dévaloriser, par exemple, Abraham, uniquement parce que ses parents ont choisi la mécréance, et tu seras par la suite parmi les grands injustes. Al-Mulahaba al-Tharita, la troisième remarque. Kana Abu Talib yahmi Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fil kharij wa yudafi'u anhu. Abu Talib assurait la protection et la défense du messager de Dieu, prière et salut sur lui, à l'extérieur. وكانت خديجة رضي الله عنها تقوي النبي صلى الله عليه وسلم بمالها. خديجة, que Dieu soit satisfait d'elle, renforçait le prophète, prière et salut sur lui, par sa fortune. وتشجعه, elle l'encourageait. وتطمئنه, elle le rassurait. في الداخل, à l'intérieur, et elle l'apaisait. وموت هذين الاثنين, et la mort de ces deux, زعيم مكة عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب, la mort du chef de la Mecque, l'oncle du prophète Abu Talib, وموت غنية مكة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فيه عدة أسرار. Et bien sûr, et la mort de la femme la plus riche de la Mecque, l'épouse du prophète, prière et salut sur lui, les deux morts contenaient plusieurs secrets. نذكر بعضها, et on va citer quelques-uns de ces secrets. السر الأول, le premier secret. في حالة عدم موتهما حتى انتصار النبي صلى الله عليه وسلم. Dans le cas où il n'y avait pas leur décès, jusqu'au triomphe du prophète, prière et sajouli. La qala a'da'ul islam, fi kulli zaman, les ennemis de l'islam, à n'importe quelle époque, allaient dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, laysa nabiyan. Muhammad, prière et sajouli, n'était pas un prophète. Sababu nasrihi, huwa nufudu ammihi, wa ghina zawjatihi. La raison de son triomphe était ou se cachait dans le pouvoir de son oncle et la richesse de sa femme. Le deuxième secret. Anna Allah Ta'ala wa Tabarak amata Aba Talib wa Khadija radiyallahu anha fi as'ab adh-dhuruf. La deuxième raison ou le deuxième secret, c'est que Dieu le Très-Haut a donné la mort à Abu Talib et à Khadija, que Dieu soit satisfait d'elle, dans des circonstances très difficiles. Fi waqtin kanat Quraysh turidu qatl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. À une époque où Quraysh cherchait à assassiner le prophète, prière et sajoulé. Faman sayudafi'u anhu al-an, qui va le protéger maintenant? Mata Abu Talib wa matat zawjatuhu wa matat zawjat an-nabi Khadija ridwanullahi alayha. Abu Talib est décédé maintenant. Khadija, l'épouse du prophète, que Dieu soit satisfait d'elle, est décédée aussi. Trois ans par la suite, tous les compagnons ont fait leur immigration, leur hijr vers Médine. Tout le monde est parti. Il restait dans la Mecque uniquement le prophète, prière et sajoulé, oui, seul, accompagné de deux hommes, Abu Bakr et Ali, que Dieu soit satisfait d'eux. Au milieu des associateurs, Ya Mushriki Mecque, qad khala lakum at-tariq al-an. Ô associateurs de la Mecque, l'accès vous est libre maintenant pour le prophète, prière et sajoulé. Hayya qtulu Muhammadan. Allez-y, tuez le prophète, prière et sajoulé. Wa hamala al-mushrikun as-suyuf. Les associateurs ont porté leurs épées. Wa tawajjahu ila bayti Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont dirigés vers la maison du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa fi hadhihi al-hal as-sa'ba. Et dans cette situation très difficile et compliquée, hamallahu nabiyahu wa najjahu bi tariqatin mu'jizah. Dieu le Très-Haut a sauvé et a protégé son prophète, prière et sajoulé, avec une méthode miraculeuse. Liyafham al-jami' fi kulli zaman, afin que tout le monde comprenne à n'importe quelle époque. Bi anna al-hamil haqiqi li Muhammad lam yakun Abu Talib walakinahu Allah. Afin que tout le monde comprenne que le vrai protecteur de Muhammad, prière et sajoulé, n'était pas Abu Talib, mais était toujours Dieu. La ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité à part Dieu. As-sirru al-thalith, le troisième secret. Law talat hayatu Abi Talib wa Khadija radiyallahu anha. Dans le cas où la vie d'Abu Talib et de Khadija, que Dieu soit satisfait d'elle, était prolongée un peu, lama hajara Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, prière et sajoulé, lui, n'aurait pas fait l'immigration. وبدون هجرة sans hijr, sans immigration, لن تكون قاعدة للمسلمين يعملون فيها بكل حرية المدينة. Il n'y aurait pas dans ce cas, sans immigration, une base dans laquelle ou sur laquelle les musulmans vont œuvrer en toute liberté, ça veut dire Médine. ولن تكون حرب مع أهل مكة. Il n'y aurait jamais une guerre contre les habitants de la Mecque, wa lin yakuna nasran lil islam, et par la suite il n'y aurait pas un triomphe pour l'islam. Wa sayabqa al muslimuna tahta wat'ati al adab bi Makkah, et les musulmans resteraient toujours sous le poids de la persécution dans la Mecque. Fa mawtu Abu Talib wa Khadija radiyallahu anha, donc la mort d'Abu Talib et de Khadija, que Dieu soit satisfait d'elle, ja'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yurakkizu da'watahu wa juhudahu 'ala al-'arab kharij Makkah. La mort de ces deux a poussé le prophète, prière et salut sur lui, à concentrer tous ses efforts et tout son appel vers les Arabes qui se trouvaient à l'extérieur de la Mecque. Wa sanara fil hissa al-qadima hijratahu sallallahu alayhi wa sallam ila Taif, et on va voir dans la prochaine séance, si Dieu le veut, son immigration vers la ville de Taif. Wa hakadha yumkin أن نفهم بأن موت أبي طالب وخديجة رضوان الله عليها ainsi on va comprendre que la mort d'Abu Talib et de Khadija, que Dieu soit satisfait d'elle, فتح مجالا وأفقا واسعين أمام الدعوة. La mort de ces deux a ouvert un champ et un horizon très vaste devant le mouvement de l'appel à Dieu. فكان موتهما في الظاهر مصيبة كبيرة. Leur décès était dans, en apparence, un grand malheur. Mais en réalité, leur décès fut une grande victoire. Subhanallah alladhi qala, gloire et pureté à Dieu qui a dit, fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira. Il se peut que vous détestiez quelque chose et Dieu y fasse pour vous un grand bien. Al-mulahada al-rabi'a wal-akhira, la quatrième et dernière remarque. Soumiyat hadhihi as-sana bi'am al-huzn, hadhihi as-sana al-ashra bi'am al-huzn. On a appelé cette dixième année par l'année du deuil. Wa hazina an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala mawti aqaribi. Et le prophète, prière et salut sur lui, a porté le deuil devant la mort de ses proches. Wa huznu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala mawti aqaribihi la yu'aribu imanahu wa thiqatahu la mutanahiyayn billah. Le deuil porté par le prophète, prière et salut sur lui, devant la mort de ses proches, ne s'opposait pas, ne contredisait pas sa foi et sa confiance immense et infinie en Dieu. Lorsque sa fille a pleuré en essuyant la terre de ses cheveux, le prophète, prière et salut, lui a dit avec une foi qui ressemblait à une montagne, ne pleure pas, ô chère fille, certes Dieu protège ton père. فهو يرى بنور النبوة, il voyait avec la lumière de la prophétie. فكأنه يقول لها, comme s'il lui disait, لا تبكي لأن أبا طالب مات, ne pleure pas chère fille parce qu'Abu Talib est mort. وقد كان يحميني, et parce qu'il me protégeait. فإن الله سيحمي أباك, parce que Dieu va certainement assurer la protection totale de ton père. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مصدره غياب الحماية. Le deuil, la tristesse, l'affliction du prophète, prière et salut sur lui, n'avait pas pour origine l'absence de la protection. Parce que la protection divine était toujours et restera toujours présente. ولكن مصدر حزنه كان هو فراق حبيبين غاليين في نفس الوقت في وقت واحد. Mais l'origine de son deuil, l'origine de son affliction était la séparation, ou avait pour cause la séparation avec deux bien-aimés chers à lui en même temps. وكتب السيرة لم تتكلم ولم تفصل هذا الحزن النبوي. Et les livres de la biographie du prophète, prière et salut sur lui, n'ont pas parlé, n'ont pas détaillé ce deuil prophétique. Et j'aime mes frères et mes sœurs d'accompagner même un petit peu, même pendant quelques minutes, le prophète, prière et salut sur lui, pendant ce deuil. روى ابن الجوزي, ابن الجوزي a rapporté أنه بعد وفاة أبي طالب وخديجة رضي الله عنها, après le décès d'Abu Talib et خديجة, que Dieu soit satisfait d'elle, اجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبتان. Dieu a regroupé pour son prophète deux malheurs, deux grands malheurs. ولزم بيته, il ne quittait plus son domicile. que très rarement. Leur sortie était devenue rare. Wa aqall al-khuruj. Lazim baytahu baqiya fi baytihi wa aqall al-khuruj. Mada kana yaf'alu sallallahu alayhi wa sallam fi baytihi? Que faisait-il, prière et salut sur lui dans sa demeure? Yujibu an hadha as-su'al. La réponse vient de ce hadith. أنه لما مات له ابنه إبراهيم وهو صغير après le décès de son petit Ibrahim, de son fils Ibrahim à bas âge, قال صلى الله عليه وسلم, il a dit prière et salut sur lui, إن العين تدمع, l'œil déborde de larmes, l'œil certes il pleure, والقلب يحزن, et le cœur certes s'attriste ou s'afflige, ولا نقول إلا ما يرضي ربنا, mais on ne dit que des choses qui plaisent et qui satisfont notre Seigneur. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Mais certes, devant ta séparation, ô Abraham, on est bien affligé. Muttafaqun alayh. Unanimement authentique, rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Baka sallallahu alayhi wa sallam. Wa hazina ala mawti Ibrahim. رغم أنه لم يعيش معه إلا قليلا. Il a pleuré, prière et salut sur lui. Il a porté le deuil devant la mort d'Abraham, malgré qu'il est décédé petit. Ça veut dire qu'il n'a vécu avec le prophète qu'un petit moment. فما بالك بموت عمه بل قل أبيه أبي طالب وقد عرفه لمدة 42 سنة. Que penses-tu ou bien que dire de la mort de son oncle ou plutôt de son père Abu Talib, et il l'a connu pendant une durée de 42 ans et non pas quelques instants. Et que dire devant la mort de sa femme et de sa bien-aimée Khadija ridwanullahi alayha, Khadija que Dieu soit satisfait d'elle, wa qad 'asha ma'aha 25 sana. Et il a vécu avec elle 25 ans. Wa fi bid'at ayyam faqada al-ithnayn, en l'espace de quelques jours, il a été privé des deux bien-aimés. Wa yumkin lana an natakhayyalahu sallallahu alayhi wa sallam fi baytihi. On peut l'imaginer, prière et salut sur lui, assis dans sa demeure, hazin al-qalb, avec un cœur bien triste. Avec des larmes qui débordaient de ses yeux. يتذكر مرة عمه أو أباه أبا طالب فيبكي. Il se rappelle tantôt de son oncle ou plutôt de son père Abu Talib et il pleurait. ويتذكر مرة حبيبته خديجة رضوان الله عليها فيبكي. Et tantôt il se rappelait de sa bien-aimée femme Khadija. Que Dieu soit satisfait d'elle, et il pleurait. يتذكر عنه, il se rappelait de son oncle. كيف كفله بعد موت أبيه وموت أمه وموت جده. Comment il l'a pris en charge après le décès de son père, après le décès de sa mère, après le décès de son grand-père. Il est habitué avec la mort, prière et salut sur lui. وكيف أحبه عمه كأحد أولاده. Et comment son oncle l'a aimé comme l'un de ses fils. وكيف سافر معه إلى الشام. Et comment il a voyagé avec lui vers la Sichem, vers la Syrie, la Palestine. ولقي بحير الراهب. Et comment il a rencontré بحير le moine. وبشره بالمستقبل الفاضل. بحير qui lui a annoncé l'avenir grandiose. وكيف كان أبو طالب لا يفارقه. Il se rappelait comment Abu Talib, il ne se séparait pas de lui, il ne le quittait pas. وكيف ساعده في زواجه بخديجة رضوان الله عليها. Comment il l'a aidé dans le mariage, dans son mariage avec Khadija, que Dieu soit satisfait d'elle. وكيف دافع عنه وحماه لما صار نبيا. Et comment il l'a défendu, il l'a protégé lorsqu'il est devenu prophète. وكيف عرض نفسه مرات للموت من أجل حمايته. Et comment il a exposé sa personne plusieurs fois à la mort afin de le protéger. يتذكر صلى الله عليه وسلم كل ذلك. ويبكي ويزداد حزنه. Il se rappelait de tout cela, prière et salut sur lui. Il pleurait et son chagrin, son deuil augmentait. ثم يتذكر خديجة. ridwanullahi alayha. Et par la suite, il se rappelait de Khadija, que Dieu soit satisfait d'elle. Kayfa wada'a thiqataha fi, comment elle a placé sa confiance totale en lui. Wa ja'alathu mudiran li tijaratiha, et l'a fait de lui, elle l'a nommé comme gérant, comme directeur de son commerce. Thumma kayfa qabilathu zawjan, par la suite, comment l'a-t-elle accepté comme époux. Thumma wahabathu ma laha, et après elle lui a offert sa fortune. وَحُبَّهَا, elle lui a offert son amour. وَحَنَانَهَا, son affection. وَمَوَدَّتَهَا, sa tendresse. وَوَلَدَتْ لَهُ مِنَ الْبَنَاتِ, elle lui a donné la naissance parmi les filles de Fatima. الزَّهْرَاء, l'éclairée. زَيْنَبْ, كَلْثُوم, رُقَيَّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَرُقَيَّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَمِنَ الذُّكُورِ, et parmi les garçons. القاسم, لهذا كان يكنى أبا القاسم صلى الله على أبا القاسم. القاسم أو قاسم, raison pour laquelle on l'appelait ou on le surnommait le père d'Al-Qasim. وعبد الله الملقب بالطاهر والطيب رضوان الله عليهما, et elle lui a donné aussi la naissance de عبد الله, qu'on surnommait الطاهر, le pur, ou bien le bon, الطيب. فكل أولاده من خديجة رضوان الله عليها إلا إبراهيم فكان من ماريا. Tous ses enfants sont venus de la part de Khadija, à part Ibrahim qui est venu de la part de Maria l'Égyptienne. ثم يتذكر صلى الله عليه وسلم كيف طمأنته يوم صار نبيا. Il se rappelait par la suite le jour où elle l'a rassuré lorsqu'il est devenu prophète. وكيف آمنت به, comment elle a cru en lui. فكانت أول إنسان آمن به, elle fut la première personne à croire en lui. ويبكي صلى الله عليه وسلم, et il pleurait, prière et saillait sur lui. وكيف كانت تصلي معه, comment elle priait à côté de lui. وكيف رافقته إلى ورقة بن نوفل, comment elle l'a accompagné vers ورقة, fils de نوفل. ويتذكر صلى الله عليه وسلم كيف أتاه جبريل. Il se rappelait, prière et sage lui, comment l'archange Gabriel lui est venu. فقال, et il lui a dit, يا رسول الله, ô messager de Dieu, هذه خديجة, voici خديجة, en train de venir. قد أتت معها إناء فيه طعام أو شراب, qui est en train de venir, portant un récipient dans lequel il y a un repas ou des boissons. فإذا أتتك, quand elle arrive à toi, فقرأ عليها السلام من ربها, annonce-lui les salutations de la part de son Seigneur. ومني أنا جبريل, et de la part et de ma part, moi l'archange Gabriel. وبشرها ببيت في الجنة, et annonce-lui la bonne nouvelle qu'elle a une demeure dans le paradis. بيت في الجنة من قصد, une demeure construite avec des perles. قصب يعني لؤلؤ. لا صخب فيه ولا نصب, une demeure dans laquelle il n'y a ni bruit ni fatigue. متفق عليه, unanimement authentique. ويبكي صلى الله عليه وسلم, et il pleurait, prière et saillait sur lui. على فراق حبيبته خديجة رضوان الله عليها, devant la séparation de sa bien-aimée Khadija, que Dieu soit satisfait d'elle. لقد ماتت, elle est décédée. لقد ذهبت إلى بيتها في الجنة, elle est partie vers sa demeure dans le paradis. بيت من قصد, لا صخب فيه ولا نصب, elle est partie vers une demeure faite de perles dans laquelle il n'y a ni fatigue ni bruit. وظل صلى الله عليه وسلم يحبها طول حياته, il a continué à l'aimer, prier et s'agenouiller pendant toute sa vie. ظل وفيا لها طول حياته, il est resté fidèle pour elle pendant toute sa vie. لم ينسها طول حياته, il ne l'a oublié pendant toute sa vie, jamais, il ne l'a oublié jamais pendant toute sa vie. كان يذكرها دائما, il se rappelait d'elle toujours, pas pendant seulement le deuil, mais pendant sa vie. يعني لم يكن يذكرها فقط في وقت الحزن, في عام الحزن ويبكي, لا, كان يذكرها طول حياته, إلى درجة أن عائشة رضوان الله عليها صارت تغير منها, رغم أنها ميتة وعائشة حية. Al-Hadith rawahu al-Bukhari, jusqu'au point, il l'a cité, il se rappelait d'elle pendant toute sa vie, jusqu'au point que sa jeune femme, Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, est tombée jalouse d'elle. Malgré que Aïcha était vivante à côté de lui, et notre mère Khadija était morte, était absente, elle est devenue jalouse d'elle. Al-Hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. Wa qalat lahu marra, elle lui a dit une fois, ça veut dire Aïcha, la jeune. بعدما ذكرها une fois où le messager l'a évoqué une autre fois, a évoqué Khadija, notre mère Khadija. قالت له يا رسول الله, ô messager de Dieu, لقد أعقبك الله, لقد أبدلك الله من عجوز من عجائز قريش خيرا منها, يعني أعطاك, أنا بنت صغيرة وهي كانت عجوز من عجائز قريش, لماذا تبكي عليها دائما, لماذا تذكرها دائما. Ô messager de Dieu, Dieu t'a remplacé, c'est-à-dire au lieu d'une vieille dame parmi les vieilles dames de la Mecque, une femme meilleure qu'elle, c'est-à-dire moi, je suis jeune. يعني هي شابة صغيرة. فغضب صلى الله عليه وسلم, il s'est mis rapidement en colère. وقال, et il a dit, ما أبدلني الله خيرا منها, Dieu jamais ne m'a remplacé par une femme meilleure qu'elle. آمنت بي لما كفر بي الناس, elle a cru en mon message lorsque les gens m'ont mécru. وصدقتني إذ كذبني الناس, et elle a cru à ma sincérité, à ma véracité lorsque les gens m'ont démenti. وواستني وآستني بمالها لما حرمني الناس, et elle m'a accordé toute sa fortune lorsque les gens m'ont interdit leurs biens. ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء, et Dieu m'a accordé ses enfants lorsqu'il m'a interdit les enfants avec les autres femmes. رواه الإمام أحمد, rapporté par l'imam Ahmed. قال هذا الكلام صلى الله عليه وسلم قبل ولادة إبراهيم, il a dit cette phrase ou ces paroles avant la naissance d'Ibrahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد, ô notre Seigneur, apporte ou accorde tes prières et tes salutations à notre maître Muhammad. Wardallahumma an ummina Khadija, ô notre Seigneur, accorde ta satisfaction et ton agrément pour notre mère Khadija. Wa ila hissatin qadima insha'Allah, et à une autre séance prochaine si Dieu le veut. Allahumma inni da'in fa'amin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا, وأصلح ذات بيننا, واهدنا سبل السلام, وأخرجنا من الظلمات إلى النور, واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب, نسألك في هذا اليوم, اللهم كما أدخلتنا بيتك ورزقتنا صبرا للاستماع إلى هذا الدرس, اللهم أدخلنا غدا يوم القيامة إلى بيتك الجنة. اللهم كما جمعتنا حول سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة, اللهم اجمعنا معه غدا يوم القيامة بجانب الحوض, واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا, وأدخلنا معه إلى الجنة واجمعنا به, واجمعنا يا ربنا بأمنا خديجة رضوان الله عليها في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما جعلتنا نستمع للسيرة, اللهم اجعلنا نتبع طول حياتنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغ صلاتنا وسلامنا إلى سيدنا وإمامنا محمد في هذه الساعة من كل واحد واحد, وباسم كل واحد واحد, ومن كل واحدة واحدة, وباسم كل واحدة واحدة, إلى سيدنا وإمامنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم, وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت,